Deuxième histoire, la recherche d'une femme. Premièrement, Maurice. Dans un élégant salon de la rue Lafitte, trois personnes, Madame Génevret, femme d'une cinquantaine d'années, Maurice Génevret, jeune homme de 22 ans, et Blanche d'Hervilly, qui n'en comptait pas 17, achevaient de passer devant un bon feu une de ces courtes soirées qui annoncent la fin de l'hiver et l'approche du printemps. Madame Genevret lisait un ouvrage nouveau. Blanche faisait de la tapisserie. Maurice parcourait un journal. « Cela devait finir ainsi, » s'écria tout à coup ce dernier en interrompant sa lecture. « Verdier n'a que ce qu'il mérite. Son infortune me touche fort médiocrement. » « De quoi s'agit-il, mon fils? Et quel est ce Verdier ?» demanda Madame Genevret en fermant son livre. « Figurez-vous, ma mère, une espèce de fou, qui, regardant le mariage comme une de ces loteries où l'on gagne à tous les coups, s'imagina l'année dernière d'aimer et d'épouser la première femme venue. Je ne vous dirai pas si cette union fut suivie d'une lune de miel. Ce qu'il y a de certain, c'est que la lune rousse ne se fit pas attendre. Rangé aujourd'hui dans la trop nombreuse catégorie des maris désillusionnés, Verdier plaide en séparation. On est toujours à plaindre quand au malheur, on se croit obligé d'ajouter le scandale. Bah, que ne traitait-il avec un peu moins de légèreté cet acte si grave du mariage, que Beaumarchais a le très grand tort d'appeler une bouffonnerie? J'oserais presque répondre que le sort de Verdier ne sera jamais le mien. Tu as donc à cet égard des idées arrêtées ? Parfaitement arrêtées, ma mère. Blanche laissa tomber sa tapisserie sur ses genoux et leva les yeux avec curiosité sur son cousin. Maurice poursuivit. Les hommes, je ne parle point de ceux qui se marient pour payer une étude ou verser leur apport dans une opération financière, commettent généralement la faute de croire que, pour trouver le bonheur, il n'est pas besoin de s'éloigner des routes battues. Autour d'eux, ils voient une foule de jeunes personnes qui, sous le rapport de l'éducation, de la condition, de la fortune, réunissent toutes les convenances suivant le monde. Elles savent se tenir dans un salon, elles sont suffisamment musiciennes et incapables de jeter le désordre dans les figures d'un quadrille. Elles ont même des qualités qu'on proclame excellentes. Elles sont affables et bienveillantes et s'entendent parfaitement à diriger une maison. Entre ces beautés, coulées, pour ainsi dire, dans un même moule, au moral comme au physique, on se laisse décider par un œil un peu plus noir, un pied un peu plus petit, une main un peu plus blanche. On aime 6 semaines ou 2 mois d'un amour vulgaire. On épouse une femme vulgaire. On vit vulgairement avec elle. La monotonie engendre l'ennui. L'ennui, les distractions. Les distractions, les querelles. Et les querelles, la nécessité de recourir aux moyens de mon ami Verdier. C'est une progression mathématique presque inévitable. Pour découvrir cette rareté qu'on nomme le bonheur, il faut sortir des voies communes. Il faut rejeter ces prétendues convenances de rang, de fortune et d'humeur, ces banalités de pâle vertu domestique, d'où il ne saurait naître rien de beau, de fort ni de durable. Il faut enfin chercher dans les contrastes et dans les exceptions. Ainsi ferai-je, ma mère, et vous ne tarderez pas à reconnaître que je suis dans le vrai, quelque étrange que puisse vous paraître mon opinion. Pourrais-tu donc trouver déjà ton exception ? « Où ton contraste ?» demanda vivement Madame Genevret, un peu effrayée. « Pas encore. Il faudrait pour cela que j'eusse commencé mes recherches. Mais soyez tranquille, ma 22e année est tout à l'heure écoulée, m'avertit qu'il est temps de songer à mettre mon système en pratique. J'arrive à l'âge où l'homme éprouve le besoin de n'être plus seul. »« Seul ?» répéta Madame Genevret, avec un léger accent de reproche. « Ah, mon cousin, » fit Blanche, « que sommes-nous donc pour vous, ma tante et moi ?»« Vous êtes, » répondit Maurice avec émotion, « deux anges qui m'avaient fait la vie belle à son début. Mais le dévouement d'une mère, l'affection d'une sœur, comme je me plais à vous nommer, Blanche, ne suffisent point à remplir la destinée d'un homme. Pour la compléter, Dieu a créé un troisième amour. Et au lieu d'attendre que celui-ci vienne te chercher, tu veux aller au-devant de lui? Va, mon fils, je prierai le ciel de veiller sur toi, afin que tu ne fasses point fausse route. Si Blanche joignit ses vœux à ceux de sa tante, ce ne put être qu'intérieurement, car elle garda le plus profond silence.